Donnez-moi un seul argument qui justifie qu'on donne encore 10 fois plus d'argent aux femmes qu'aux hommes, etc., avec tous les stats qu'on a donnés. Louise, bon matin. Bonjour. Je vous écoute. Pas la question que lui me posait, là. Moi, j'ai dit que j'étais d'accord avec vous. S'il y a un politicien qui se lève pour dire qu'il abolit tout ça, ces affaires-là, je suis d'accord et je vote pour lui. Bon, ben merci. On est au moins deux, Louise et José. Femme, deux votes. Mais je le vois bien. Parce que là, des femmes, là, il y en a partout, là. Il y en a trop. Comment ça se fait qu'il y a encore autant d'argent? Comment ça se fait qu'ils réussissent à passer ça? Puis ils n'ont plus d'arguments, là. Les stats sont toutes contre elles, là. Non. Comment ça se fait? Ben, je vais vous dire. Puis c'est pas parce que moi, mes enfants, c'est deux garçons. Mais c'est pas pour ça, là. Mais les femmes, là, il y en a trop, là. Qu'on voit partout. Qu'est-ce que vous voulez dire, au juste, Louise, qu'il y a trop de femmes? Ben là, il faudrait rentrer trop dans des détails, là. Mais des femmes, là, ils passent le temps de l'engager partout. Mais les hommes, eux autres, non, ils passent en second. Je vais vous expliquer, il y a qu'une affaire. Moi, je suis allée, la pauvreté, tantôt, vous avez parlé un peu de la pauvreté. Ouais. Ben moi, là, rien que par curiosité, je suis allée me stationner à l'Aube-Rivière, une heure de temps était passée. Pas loin, là, dans une petite rue. J'ai surveillé à l'heure du repas, je vais surveiller comment qu'ils rentrent d'hommes ou de femmes. Monsieur, c'est incroyable le nombre d'hommes. Ah oui, ça, hey, on l'a pas fait ces stats-là, mais si on parle des sans-abri, on a parlé des suicidés, des décrocheurs scolaires, des criminels, on les a tout nommés, c'est tout plein d'hommes. Si on regarde les sans-abri, vous êtes encore dedans, Louise, merci. Oui, c'est encore une fois des hommes. Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent si. Hey, merci d'avoir appelé, merci. Louise. Si ça avait été des femmes, il y aurait eu des millions. Tu sais, je.